J'erre, je traîne dans le monde, je me sens perdu, piteux en moi. Réveillé par tes paroles tendres, je vois la lumière paraître. J'accepte le jugement de tes paroles, je vois que je suis très corrompu. Je pense à mes manières, elles expriment mon tempérament corrompu. En ta compagnie, il n'y a pas de crainte du mal de Satan, ni solitude de la nuit. En ta compagnie, je ne crains pas le danger, ni l'épreuve du long voyage. Après des routes tortueuses, j'accueille le lendemain si beau. Je suis plein de remords, heureux d'avoir t'es sauvé, ton immense grâce manifeste me permet d'avancer. Quand je suis distant, tes paroles m'appellent, tu me gardes du mal. Je suis sauf, je me rebelle et tu te calmes. Alors je tombe en grande souffrance. Quand je reviens, tu me fais grâce, tu souris, me tiens tout près. Quand Satan me fouette, me blesse, ta chaleur me guérit, me console. Je tombe entre les griffes du diable, tu vis ma détresse, ma douleur. Je crois que l'aurore viendra, le ciel sera de nouveau bleu. En ta compagnie, Satan, ni solitude de la nuit. En ta compagnie, je ne crains pas le danger, ni l'épreuve du long voyage. Après des routes tortueuses, j'accueille le lendemain si paroles sont ma vie, Seigneur, j'en raffole tous les jours. Quand Satan m'en sert, elle me donne sagesse et force. Quand je souffre ou quand j'échoue, aucune.